Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, La Joconde, un mystère de Léonard de Vinci. La Joconde, le tableau le plus célèbre au monde, l'œuvre d'art par excellence, d'une valeur telle qu'elle n'a plus de prix. Des milliards de fois reproduites, détournées, grimées, collées sur des mugs, des chaussettes, des bouteilles de vin, même des préservatifs. Au milieu de cette profusion d'images jusqu'à la nausée, est-il encore possible de regarder la Joconde, d'oublier la moustache dont l'avait affublée Marcel Duchamp et de se laisser surprendre par ce tableau singulier ? On sait que Léonard de Vinci ne voulut jamais s'en séparer, même quand en 1516, invité par François Ier, il partit dans un incroyable périple vers la France. On ose imaginer la Joconde volée par des brigands de grand chemin. Au musée du Louvre, derrière le mur de verre qui la protège des fâcheux, Mona Lisa, qui en plus de 500 ans en a vu passer, semble bien indifférente à l'agitation du monde. Elle nous regarde, c'est une maîtresse femme, elle ne baisse pas les yeux. Ses jolies mains croisées posées sur l'accoudoir, elle nous sourit doucement, semblant nous dire quelque chose. Mais quoi ? Mystère. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Pascal Briouat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de Léonard de Vinci. Plusieurs expositions, plusieurs événements lui sont consacrés cette année où l'on commémore justement les 500 ans de la mort de l'artiste. Il était né en 1452, il est mort en effet en 1519, le 5 mai exactement, à Amboise. Alors je parlais à l'instant à Pascal Briouat de la difficulté parfois à apprécier, à être ému par une œuvre quand elle est trop connue. L'historien d'art Daniel Arras, spécialiste de la Renaissance, disait qu'il avait mis 20 ans à aimer la Joconde. Alors vous-même, Pascal Briouat, quelle place occupe la Joconde dans votre passion pour Léonard de Vinci ? Car je suppose que passion il y a. Alors moi je suis plutôt historien des sciences et des techniques, mais il se trouve que Léonard ne sépare pas les arts et les sciences. Mmh. Et la Joconde est tout à fait intéressante du point de vue aussi des sciences. Donc c'est un des enjeux. C'est pas nécessairement mon tableau préféré, mais c'est un tableau qui a eu un rôle très important dans l'histoire de l'art. Pourquoi ? Et du portrait. En fait, c'est un tableau qui pose un certain nombre d'éléments qui vont devenir une habitude. Alors, c'est vrai qu'on perd l'habitude de les voir, mais le contrapposto, c'est-à-dire cette pose particulière, cette torsion légère, le charme du sourire, la façon dont les mains sont posées, et surtout cette narrativité qu'impose le portrait, tout ça, c'est assez neuf au moment où Léonard entreprend de dépeindre ce si beau sourire. Ah, on sait que Léonard de Vinci a énormément dessiné, il a beaucoup écrit, il a même gribouillé, on peut le dire. Et il y a plus de 100 000 dessins, plus de 6 000 pages de cahiers qui nous sont arrivés jusqu'à nous. Est-ce qu'il a beaucoup peint, justement ? On peut discuter de la question, mais disons que il y a une quinzaine de tableaux qui lui sont vraiment attribués. Ça n'est pas beaucoup, mais Léonard est un perfectionniste absolu. Oui, mais longtemps à peindre. Oui, on lui a reproché. Et en réalité, c'est vraiment la recherche de la perfection qui l'anime. Donc on peut comprendre cette approche très particulière. Léonard de Vinci disait « Je crois que la peinture était son art préféré, l'art supérieur à tous, de caractère quasi divin ». Vous l'avez dit, Pascal Briouat, il était ingénieur, architecte, homme de science, musicien même. Il jouait de la lyre, il chantait, il faisait de la mise en scène, il dessinait des costumes, il faisait des perruques, il organisait des fêtes, enfin il savait tout faire. De son vivant, Léonard de Vinci était-il déjà considéré comme un génie, une sorte d'incarnation de l'homme parfait de la Renaissance ? En tout cas, il y a beaucoup œuvré. C'était son objectif. Il a façonné son moi de plusieurs façons. D'abord, il s'est présenté comme un ingénieur militaire, ce qu'il n'était pas. Il est devenu un artiste de course qui pratiquement n'existait pas avant lui. C'est un self-made man, un petit peu. On peut le dire. C'est un enfant illégitime qui, a priori, est plutôt dans une strate culturelle assez basse. Oui, il n'a pas fait d'études. Et il devient l'ami du roi de France, quand même. Mm-hmm. Et il devient un des esprits savants avec lequel les élites aiment parler. Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en 1524 à Amboise, sous le règne de François Ier. Léonard de Vinci est mort depuis 5 ans déjà. Pouvez-vous nous rappeler dans quelles circonstances l'artiste, d'origine donc toscane, était arrivé en France? C'était en 1516. Oui, alors on se souvient que 1515 est une date qui marque la défaite des Italiens. Et Léonard, sans doute, rencontre François Ier alors qu'il est avec le pape à Bologne. Et en tout cas, la cour de François Ier l'approche et lui demande un certain nombre de réalisations. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'on est dans les guerres d'Italie, ce qu'on a appelé les guerres d'Italie, donc une guerre de conquête menée par le roi de France dans l'Italie du Nord. Oui, une guerre qui a commencé en 1494, à laquelle Léonard est mêlé depuis le début. C'est-à-dire que François Ier n'est pas le premier roi français auprès duquel Léonard se retrouve un homme important. Louis XII a été un des patrons de Léonard. En tout cas, les hommes de Louis XII, Charles d'Amboise. Et en 1515, François Ier vient de battre les Suisses et les Italiens, et notamment le camp dans lequel se rangent le pape Léon X et Julien de Médicis, qui sont les patrons de Léonard. Donc, quand les ambassadeurs de François Ier demandent en 1515 à Léonard de rejoindre François Ier et sa mère en bord de Loire, ils sont en position de force. Oui, et c'est l'époque où les artistes ont besoin de protecteurs. Son protecteur jusqu'à présent était Julien de Médicis, et il choisit donc de partir en France. Oui, d'autant que Julien de Médicis est tombé malade, est mort. Donc, l'invitation tombe à point nommé. Alors pour partir sur les traces de la Joconde, dans notre fiction, l'auteur Jean-Benoît Patricot a imaginé que le roi de France, François Ier, commande un ancien soldat des guerres d'Italie de rechercher la femme qui a servi de modèle à Léonard de Vinci. C'est une fiction, mais vous allez voir, elle va nous mener sur des chemins assez inattendus. Pascal Briouat, je vous propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, La Joconde, un mystère de Léonard de Vinci, un texte de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Cédric Ossir. Se dépêcher sans avoir l'air de courir, mais aller vite. Oula, non, pas si vite. Les beaux messieurs et les belles dames me regardent de travers. Personne ne court à la cour. On glisse sur des tapis magnifiques. Tout est devenu si délicat, si raffiné. Cette mode italienne du beau, partout. Mais moi, je suis un soldat, et le pas de charge, c'est ma nature. Comment pourrais-je me contraindre alors que le roi demande à me rencontrer sans témoin? Que me veut-il? En ce jour de l'année 1524, Antoine de Terrailles, jeune capitaine au service de François Ier, traverse les pièces de réception du château d'Amboise. Les murs sont couverts de tapisseries de damas satinés noirs et jaunes, les couleurs de la salamandre, l'emblème du roi. Terrailles a été l'un des compagnons d'armes du jeune roi lors de la conquête de l'Italie, notamment lors de la victoire éclatante de Marignan. Mon heure de gloire est-elle arrivée? Le roi, au nom de notre amitié née en Italie, veut sans doute m'offrir le commandement d'un régiment? Ou une place de conseiller particulier? Ou... trêve de supposition. Voilà le grand homme. Je vais être vite renseigné. Majesté. Venez, Terrailles. Suivez-moi dans ma chambre. Votre chambre, Majesté? Nous y serons plus à l'aise pour parler de notre affaire. Fermez la porte. Terrailles, si je tiens à vous voir cela seul, c'est que j'ai quelque chose à vous avouer. À moi, sire? Oui. J'ai vu durant nos combats combien vous étiez plus fin stratège que meneur d'hommes. Enfin, je... On ne s'engage pas vers le commandement d'un régiment, là. Vous êtes un homme discret. Aucune histoire amoureuse connue, pas le moindre commérage sur vous. Dans quoi suis-je tombé? Quel rapport ma vie galante a-t-elle avec un régiment? Jamais de médisance. Vous êtes l'homme qu'il me faut. Quel honneur, votre majesté. Terrailles, j'ai un secret. Mon Dieu, où veut-il en venir? J'ai une femme dans le sang. Ouh, je préfère... Et ce n'est pas la reine. Voilà, on y est. Il veut que j'épouse sa protégée et que je joue la partition du cocu consentant. Oh non. Quoique, cela pourrait sans doute accélérer ma carrière. À moi le régiment. Et qui est cette personne, sire? Je vous vois bien fébrile rien que d'en parler. Elle doit avoir grand pouvoir sur vous. Elle est là. Dans cette chambre? Oui. Mais nous sommes seuls. Derrière vous? Il n'y a personne. Au mur. Ah! C'est le portrait de la dame de votre cœur. Jolie personne. Un peu austère peut-être, souriante. Elle m'a littéralement envoûté. Et comment s'appelle celle qui a l'honneur de tant vous plaire? Je ne connais d'elle qu'un nom, la Joconde. La Joconde. C'est le grand Léonard de Vinci qui l'a peinte. Et malgré nos longues discussions, il est toujours resté très discret sur l'identité du modèle. Donc pas de femme pour moi. Adieu le rôle du cocu, adieu le régiment. Comme s'il y avait là un mystère. Un jour, il m'a dit que c'était à la demande de Julien de Médicis qu'il avait fait ce portrait d'une de ses maîtresses. Mais d'une fois à l'autre, il se trompait dans son mensonge et me donnait des noms différents pour la jeune femme. Il voulait peut-être protéger la dame. Quoi qu'il en soit, Terrail, je veux que vous vous rendiez en Italie, que vous connaissez si bien, pour découvrir tout ce que vous pourrez apprendre sur la Joconde. Qui était-elle, où vivait-elle? Et surtout, essayez de récupérer tous les croquis préparatoires et rapportez-les en France. Le roi veut faire de moi un farfouilleur d'ateliers d'artistes. La belle promotion. Si vous acceptez, comme l'on dit pour les missions compliquées... Je crois que l'on peut dire impossible. Non, Terrail. Impossible n'est pas français. Je disais qu'en échange de ce service pour lequel je vous demande d'être très discret, vous serez récompensé. Ah, nous y voilà. Partez sur le champ. Je suis d'une impatience folle. J'y cours, sire. Mais au sujet de ma récompense... Nous fixerons la somme en fonction de ce que vous me rapporterez. Vous savez, votre majesté, moi, l'argent... Que voulez-vous donc? Un duché? Être fait chevalier? Je me contenterai d'un régiment. Votre prix est élevé. Mais si le peintre, aujourd'hui décédé, n'a rien voulu dire du modèle, cela ne va pas être simple. Fort bien. Un régiment. Mais ne revenez pas les mains vides, sinon mon courroux sera à la hauteur de mes espérances. Diable, j'ai fort intérêt à retrouver la donzelle. Afin de mettre en valeur sa richesse et son pouvoir, François Ier avait invité en France des artistes italiens. Il poursuivait là une politique commencée par ses prédécesseurs, qui avaient mené plusieurs guerres en Italie afin de faire valoir leurs droits héréditaires sur le royaume de Naples et le duché de Milan. L'artiste le plus célèbre qui accepta l'invitation fut Léonard de Vinci. Il traversa les Alpes en 1516, emportant tous ses manuscrits, carnets, ainsi que trois tableaux inachevés, dont celui de la Joconde, que le roi de France lui acheta 4000 écus or. Léonard de Vinci était venu en France accompagné de deux assistants peintres, Francesco Melzi et Salai. Tous trois furent installés par François Ier au manoir du Clou, actuel château du Clos-Lucé. Le premier, Melzi, était sérieux et digne de confiance. Le second était turbulent, voleur parfois, ce qui lui avait valu ce surnom de Salai, petit diable. Mais il était cher à Léonard de Vinci, qu'il avait acheté tout jeune à son père pour quelques pièces. Pour résoudre son énigme, Antoine de Terrail décide d'aller retrouver Salai, qui depuis son retour de France partage sa vie entre Milan et son vignoble. Passez-moi ce lien, Terrail. Doucement, n'allez pas m'abîmer ces jeunes rameaux. Le travail de la vigne demande de la dextérité et de la douceur. Ce sont les vignes que vous alléguez, Léonard de Vinci? Oui, enfin, il m'en a légué une partie. Parfait. Cela devrait tenir. Voilà devenu un spécialiste du palissage. Je ne vous savais pas vigneron. Je pensais que vous étiez assistant de Vinci et peintre. Quand mon père m'a confié au maître, il était locataire de ses vignes. C'est pourquoi je m'y connais un peu. Venez, il y a du travail un peu plus loin. On pourrait peut-être en venir à ma requête. Mais ce n'est pas un secret. Pourquoi votre roi en fait-il toute une affaire? Il semblerait que Vinci n'ait rien voulu dire. C'est qu'il était malin, le vieux. Il a passé tant d'années à travailler sur elle. Vous ne croyez pas qu'il allait confesser le nom de la simple mortelle qui l'avait inspiré? C'est autre chose. Il a voulu représenter la donna. La donna dans toute son entité. Ce n'est pas une femme. Quoi? C'est un homme? Le bruit court que ce serait un homme, c'est donc vrai? Mais non. Je veux dire qu'elle est toutes les femmes. Il y a même mis sa mère. Ce portrait est plus qu'un portrait, c'est une philosophie. Une réflexion sur la vitesse du temps qui passe. Il faut vivre l'instant parce que l'on disparaît si vite. Comme un sourire qui s'efface. Oui, mais il doit bien y avoir une femme au départ. Certes. Et qui pourra me dire qui c'est? Personne. Mais personne? Mais De Vinci a fait disparaître les témoins? Oh là, Terrail, c'est une histoire de peinture, pas de guerre. Laissez-moi terminer mes phrases, vous êtes si impatient. Le roi aussi. Personne ne pourra vous le dire mieux que moi. C'est moi qui ai organisé la première rencontre entre le maître et... Et? Cette dame. Mais qui? Attendez, commençons par le début. Oh Dieu tout-puissant, je vais piétiner vos vignes si vous continuez à me faire languir. Eh bien, retrouvez patience, sinon vous ne saurez rien. Imaginez plutôt ce qu'était la bottega du maître à Florence en 1505. Au tout début du XVIe siècle, Léonard de Vinci était dans la force de la cinquantaine. Il pouvait enfin expérimenter certains de ses projets. Ses croquis, ses plans prenaient vie. Armes nouvelles, détournement de cours d'eau pour enrayer les inondations. Il est alors avant tout un scientifique, un architecte, un ingénieur hydraulicien. Mais il n'a pas abandonné pour autant la peinture. C'est à cette époque qu'il réalise une fresque monumentale sur un mur du Palazzo Vecchio, représentant une victoire des Florentins. Un enchevêtrement de cavaliers, de chevaux furieux, d'épées brandies vers le ciel. À Florence, dans la bottega, autrement dit l'atelier de Léonard de Vinci, véritable fourmilière où s'affairent les assistants autour du maître, on enseigne aux nombreux apprentis la peinture, mais également les mathématiques, les techniques, les sciences, l'architecture. Un jour d'octobre 1503, alors que Léonard de Vinci tente d'inculquer quelques règles à ses apprentis, « Vous devez comprendre ce qui est dessous, ce qui est caché, parce que toujours cela se sentira dans votre travail. » Il ne peut y avoir de dessin anatomique sans cours de dissection préalable. Maître. Pas de perspective sans avoir étudié l'architecture, la géométrie. Maître. Salaï, ne vois-tu pas que j'enseigne? Oui, oui, mais venez. Quelle insolence! Tu veux une correction? Oh, à mon âge. Vous m'avez assez secoué dans ma jeunesse. Venez, c'est une bonne nouvelle. Quoi? Michel-Ange ne va pas peindre une fresque en face de la mienne, au moins. Il s'est cassé une patte, le marbré. Rien ne pourrait me faire plus plaisir. Non, c'est une bonne nouvelle pour nos finances. Nos finances? Tu as tellement l'habitude de me voler que mes revenus sont aussi tes finances maintenant. Je vais tout coller au mur. Arrêtez, si vous me dérouillez, la dame va s'impatienter et repartir. De quelle dame parles-tu? Votre ami Francesco del Giocondo voudrait que vous fassiez le portrait de sa nouvelle épouse. Tu lui as dit que je ne faisais pas de portrait. Je me suis permis d'avancer un prix exorbitant pour qu'il renonce sans que vous ayez à le faire. Et alors? Ce brave homme m'a payé une avance sans rechigner et avec le sourire en plus. Ses affaires doivent être vraiment florissantes. Ou bien la dame le mérite. Est-elle d'une très grande beauté? Disons qu'elle a une particularité. Un strabisme? Un nez disproportionné? Non, vous verrez par vous-même. Diable, tu es le diable. Allons, vite, vite. Dis-moi en plus. Pas besoin, on ne voit que cela. Mais voir quoi? Sois plus précis. Maître Leonardo, voici Donna Lisa del Giocondo. Oh Dieu tout-puissant, ce sourire. Merci, maître, d'accepter de faire mon portrait. Je ne suis pas certain d'avoir le temps. De... Oh, ce serait un si grand honneur pour notre famille. C'est que... Mais... Vous avez... Bien. Je ne peux rien refuser à votre mari. C'est un bon ami et un homme vénérable. Mais cela risque de prendre plusieurs années. J'ai si peu de temps pour m'y consacrer. Toute une vie, s'il le faut, maître. Toute une vie. Léonard de Vinci se lance dans le portrait de Lisa del Giocondo, mais pour lui, il n'est pas question d'une simple commande. Ce portrait sera différent. À l'époque où le combat fait rage entre des artistes comme Raphaël, Michel-Ange et d'autres, Léonard de Vinci veut se distinguer. Il ne taille pas le marbre, il n'aura pas la patience de peindre à nouveau d'immenses fresques, mais il peut, dans un rectangle de 77 sur 53 cm, transformer l'art du portrait et ainsi marquer son temps, et plus si possible. Eh bien, voici une affaire rondement menée. Après Milan, me voici à Florence. Je vais rencontrer la dame del Giocondo et repartir aussitôt en France récupérer mon régiment. C'est facile, une simple promenade de santé. En fait, non. Je vais sans doute me faire incendier par la dame qui a posé 3 ans et n'a jamais vu la couleur de son portrait. Elle doit l'avoir mauvaise. Quant au mari qui a payé et cher, j'espère que ce n'est pas un violent. Ah, nous y voici. L'adresse que m'a donnée Salai. Au cœur du quartier de Santa Croce. Une belle demeure. Dommage qu'elle soit à l'ombre de cette basilique si blanche, presque immaculée. Allons bon, elle est vraiment en colère, la Donna de Giocondo. Elle rudoie ses serviteurs. Oh, mon compte est bon. C'est une colérique et je viens lui rappeler qu'elle a posé des années pour rien. Oh, pourquoi suis-je venu? Son nom me suffisait, je vais me faire bastonner. La voilà qui traverse la cour. Eh bien, elle a pris quelques rondeurs. Mais quelle noblesse dans son port de tête. J'aurais dû vous laisser à Poggio. Quelle idée de vous emmener à Florence, vous êtes indécrottable. Vous allez voir! Ces incapables, faire attendre un émissaire du roi de France. Et mon mari qui n'est pas à la maison, je suis confuse. Madame, je suis votre serviteur. Antoine de Terrailles, envoyé spécial du roi, François Ier. Que nous vaut cet honneur? Le portrait de vous qu'aurait fait Léonard de Vinci. Oh, paix à son âme. Mais installez-vous. Que désire le roi? Connaître les circonstances. La façon dont tout cela s'est passé. Mon mari venait d'acquérir cette maison. Je venais de lui donner un deuxième fils et pour me remercier... C'est bien vous qui avez posé? Oui, régulièrement, pendant 3 ans. J'allais à son atelier. Cela a dû être fastidieux, ces séances de pose durant si longtemps. C'était très espacé. Et puis fastidieux. Observer un homme si magnifique. Un homme avec une telle vivacité d'esprit. Capable de travailler à la fois sur mon portrait et de corriger le travail des assistants, de dicter des lettres tout en traçant des esquisses au charbon de bois, d'inventer des machines qu'aucun mortel ne peut imaginer. Fastidieux ! Mais grand Dieu, c'était le plus beau des spectacles. J'aurais pu y rester des heures, des jours, des années. J'y courais même, et lorsque j'arrivais, le maître s'écriait... Oh, Mona Lisa, là. Salai, les musiciens sont-ils prêts ? Oui, maître, ils sont là, installés dans le fond. Alors allons-y, qui joue ? Allez-y. Mona Lisa, êtes-vous bien installée? Mes mains, c'est la bonne position? Laissez, je m'en occuperai à la fin. C'est le port de tête qui m'importe. J'ai un problème. Lequel? Pour garder mes yeux toujours à la même hauteur, je fixais des croquis accrochés au mur. Des dessins d'un drôle de vêtement pour aller sous l'eau. Mais ils n'y sont plus. C'est vrai, qui a enlevé les croquis? C'est celui qui demande qui a fait. Tais-toi, insolent. Et remets autre chose au même endroit. Les plans des arquebuses géantes? L'appareil pour voler avec sa vis aérienne? Ce que tu voudras. Mona Lisa, le sourire. Le sourire. Non, pas tant. Un sourire de surprise. D'empathie. Une légère ironie. Salai, cette musique! Oui? Trop lente! Vous autres, approchez vos chevalets que je puisse surveiller vos progrès. Bien, c'est parfait pour travailler. Toute cette agitation forme un rempart autour de moi. Je dois me concentrer sur ma toile. Je sais, j'ai la réputation de procrastiner, mais je finirai ce tableau, même si je dois y travailler des années. Tout s'est passé de façon tellement différente dès le début. Est-ce lui qui me vaudra consécration ? Le pape et tous les mécènes n'ont que le nom de Michel-Ange, Raphaël et autres à la bouche. Dès que j'ai vu cette femme, j'ai su quelle serait ma façon de la cadrer dans le tableau, de lui laisser son échelle réelle pour que ce soit le portrait d'une femme dans sa loggia, sans distorsion, comme si elle était là face à moi. À disposition de 3/4 devant le paysage, l'encadrement des colonnes que j'effacerai, ne laissant deviner que la base, mais qui seront là, appartenant à l'image, sans y être. J'ai tout vu au premier regard. Je vais mettre en œuvre toutes mes connaissances de la cohérence spatiale, des mathématiques, de la géométrie, de l'optique, toutes ces sciences au service d'une seule chose. Un sourire. Bien, ma mission est finie. J'ai le modèle, j'ai des histoires à raconter, le roi sera satisfait. prendre congé de cette jolie dame et retour à Amboise. Excusez-moi, Donna del Giocondo, mais auriez-vous gardé quelques esquisses que le maître vous aurait laissées pour vous dédommager ? Dédommager de quoi ? D'avoir posé, de ne pas avoir le portrait. Pas le portrait ? Oui, puisqu'il ne l'avait pas achevé quand il a quitté Florence. Mais il est dans le grand salon, mon portrait. Pardon ? Venez. Mona Lisa conduit l'émissaire français dans son salon. Au-dessus de la cheminée trône un portrait de la maîtresse de maison. C'est à la fois le même que celui que possède François Ier. La position est identique, l'expression semblable, mais il est aussi très différent. Mona Lisa y est représentée très jeune, dans des couleurs plus vives, plus joyeuses, et le décor à l'arrière-plan n'est pas le même. Mais qu'est-ce que... Mais c'est incroyable! C'est vous en plus jeune? J'avais 20 ans de moins. Et ce teint éclatant, vos sourcils, vous avez des sourcils dans ce portrait. On peut même distinguer la véritable couleur rousse de vos cheveux. Et on reconnaît derrière vous un paysage d'ici, de Toscane. Mais c'est Léonard de Vinci qui a peint ce portrait? Il a dessiné mon visage, oui, le reste ce sont ses assistants. Mais pour le portrait de vous qui êtes en France dans les appartements du roi, vous êtes plus âgé. Je sais que le maître travaillait sur un autre portrait de moi, mais c'était quelque chose à part. Une expérience, disait-il. Il le reprenait sans cesse. Il l'a donc fini ? Oui. Vous y êtes représenté avec une dizaine d'années de plus. Je ne comprends pas comment c'est possible. Vous n'avez plus posé après 1505 ? Ah non, je n'ai plus jamais vu le maître après son départ de Florence. C'est étrange. C'est comme s'il avait deviné comment votre visage évoluerait. À moins que quelqu'un d'autre ait posé pour qu'il finisse le portrait. Mais qui ? Je ne sais pas. Alors il aurait fait deux portraits de vous. Deux, et même plus. Plus ? Dans l'atelier, les apprentis s'instruisaient en suivant les travaux du maître. Plusieurs faisaient mon portrait. Le maître les corrigeait ou ils utilisaient le grand dessin avec les petits trous. Un grand dessin ? Oui. Il suffisait de l'appliquer sur le panneau de bois et de souffler dans des petits trous de la poudre de charbon pour avoir la réplique du dessin du maître. Mais qui a ce dessin ? Salaï, sans doute. Il s'occupait de tout dans l'atelier. Le maître lui aura sûrement confié. Salaï ? Oh, le fourbe ! Antoine de Terrail repart sur les routes italiennes. Mais il doit se faire discret. La situation en Italie est complexe. L'empereur Charles Quint, qui a hérité de quatre dynasties, gouverne l'ensemble du Saint-Empire. Il est devenu le monarque le plus puissant et se retrouve en rivalité avec François Ier concernant l'Italie. Depuis le 29 avril 1522, quand les Français ont été mis en déroute en tentant de prendre le royaume de Naples, la France a perdu une nouvelle fois le duché de Milan. C'est donc dans une région hostile à la France que Terrail retourne voir Salaï. Vous jouez avec le feu en revenant à Milan. C'était risqué la première fois. Une deuxième relève de l'inconscience. Il paraît que l'armée française veut relancer une nouvelle offensive. Et traîner dans ces ruelles en parlant français n'est pas recommandé. C'est moins risqué que d'affronter la colère de François Ier. Vous ne m'aviez pas dit qu'il existait plusieurs portraits de la Joconde. Ce n'était pas l'objet de votre question. Vous avez demandé qui, pas combien. Il y en a beaucoup. 3 ou 4. Et où sont-ils ? Je crois me souvenir que Raphaël en a fait un quand il est passé à l'atelier, mais c'était une sanguine. Il y a celui qui est chez Donna del Giocondo. Un autre doit être en Espagne, peint par un assistant originaire de ce pays. D'autres encore, peut-être. Éparpillés selon la nationalité des apprentis. Il y a une différence d'âge entre le tableau de Donna del Giocondo et celui du roi. Comment l'expliquez-vous ? Le maître a fini le tableau au manoir du Clou à Amboise, quelque temps avant sa mort en 1519. Il s'était écoulé 14 ans depuis la première esquisse. J'ai même réussi à le vendre à votre roi sans que le maître l'ait décrété fini. C'est vous ? Attention ! Un groupe de soldats avinés. Ils pourraient nous chercher querelle. Venez, mettons-nous à l'ombre. Vous avez vendu la Joconde au roi ? Et pas que la Joconde. La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste et Léda, sans que le vieux le sache. Mais c'était du vol ! Et qu'est-ce qu'il aurait fait de tout cet argent ? Moi, j'avais une vie à m'offrir. Après toutes ces années passées à son service, aussi bien le jour... le reste. La Donna del Giocondo se souvient avoir vu des sanguines préparatoires. Savez-vous où je pourrais les trouver ? Je peux m'enseigner auprès de Melzi. C'est lui qui a hérité des manuscrits, des carnets, de tout ce qui est papier. Vous pourriez le savoir vite ? 2 ou 3 jours. C'est que je risque gros à rester si longtemps par ici. Venez, les soldats sont passés. Vous pouvez demeurer chez moi. mais ne parlez à personne. Une délation est si vite arrivée. Oh, me voilà bien coincé à Milan. Mais je ne peux pas rentrer les mains vides, ni certifier au roi que c'est bien Lisa del Giocondo qui a posé pour Vinci. Cette différence entre le portrait de la Joconde jeune et celle du roi laisse supposer que quelqu'un d'autre a posé. Pourquoi tant d'années pour un simple portrait? Et ce Salaï m'a l'air d'un drôle d'oiseau. Voleur, menteur, profiteur. Je ne risque rien ici, j'espère. Quel est ce vacarme? Aurais-je été dénoncé? On vient. Vite, mon épée. Ils vont vouloir me monnayer au roi. J'aurais dû m'en douter, ce Salaï n'en a qu'après l'argent. Terrail? Hé là, doucement! Vous ne voulez pas m'embrocher tout de même? Pourquoi cette agitation? Un drôle qui m'a manqué de respect, que je vais auxir demain en duel. Il vous a insulté? Il a mis en doute ma virilité. Oh. C'est quoi ce sourire, Terrail? Loin de moi l'idée de vous offenser, mais vos longs cheveux bouclés, vos lèvres finement ourlées, vous donnent un air très féminin. Je le sais. J'ai même porté des bas de soie et des robes. Et de mauvaises langues vous diront que j'ai même été l'épouse de Vinci. Mais à présent, je suis marié. Et mettre en doute ma virilité, c'est insulter ma femme. Et vous allez vous battre en duel? Demain, à l'aube. Qu'avez-vous choisi comme arme? L'arbalète. Diable, c'est risqué. Oh, je m'en sortirai. J'ai toujours eu de la chance. À 10 ans, j'ai été acheter quelques florins par le maître. J'ai vécu toutes ces années auprès de lui. Et me voici gérant une fortune prospère. Qui lui dit en voyant l'enfant pouilleux que le maître avait recueilli? Et d'ailleurs, Terrail, vous serez mon témoin demain. Vous n'aurez pas un mot à dire et cela vous fera prendre l'air. Toujours pas de nouvelles de Melzi? Rien. Allons, ne faites pas cette tête. Tenez. C'est là ma réserve de Franciacorta, un vin d'ici. On va boire à Mona Lisa. Allons-nous loin? Non. Dans les champs, là-bas. Un duel à l'arbalète. C'est bien la première fois que je verrai cela. Le maître avait inventé une arbalète. Il pouvait tirer plusieurs carreaux à la fois. Tchac, tchac. Là, j'étais sûr de mon coup. Bah, vous auriez dû l'apprendre. Elle n'est restée qu'au stade du croquis. Il faut que je vous dise. Au cas où, j'aurai moins de chance que je ne le pense. Le secret du maître. Lequel? À propos du temps qu'il a mis à faire le portrait. Je parle de celui qui est en France. L'avez-vous vu de près? Assez. Alors peut-être avez-vous remarqué qu'on ne voit aucun coup de pinceau. Pourtant, il a bien été peint. Oui, mais selon une technique particulière. Le sfumato. C'est quoi? Cela permet de rendre les contours imprécis. On obtient par cette technique une ambiance vaporeuse. Il n'y a pas de ligne nette dans ce tableau. Et donc pourquoi tant de temps? Pour l'obtenir, il faut déposer une succession de très fines couches de glacis, une couche de peinture transparente et lisse, aussi fine qu'un cheveu. Mais vous ne pouvez le faire que sur une peinture sèche, d'où la nécessité de temps. Pour la Joconde, il y a plus de 20 couches. Alors qu'un type comme Raphaël se contentait de n'en faire que 3. Et l'autre secret, celui du modèle? Ah, nous y voilà. Ce gredin est là, tout sourire. Je vais te l'envoyer à Patrès. Salaï! Salaï! Ne me déplacez pas. Il m'a transpercé le poumon. J'ai fait suffisamment d'anatomie pour savoir que ce n'est pas bon. Ils ont tous fui. Je vais chercher de l'aide. Inutile. Je dois... Plus de souffle. Je dois vous dire. Quoi? Le secret du modèle. Dites, Salaï, dites. Le dessin, le grand dessin, caché derrière le tableau dans mon atelier. Salaï, le secret. Vite, le secret. Salaï meurt le 10 mars 1524. Cette même période, l'armée du roi François Ier tente de reconquérir Milan, mais elle fait face à une forte résistance et doit se replier. L'armée impériale de Charles Quint met à profit cette déroute pour tenter d'envahir la Provence. Profitons que la veuve et la famille reçoivent en bas. L'atelier est derrière cette porte, je crois. Bien visé. Le tableau est là. Une copie du Saint-Jean-Baptiste de Vinci. Salaï devait en être le modèle, vu la ressemblance. Bien, le décrocher du mur, avec délicatesse. Oh, oh, il est lourd. Voyons. Rien derrière. Ah là, une encoche. Il y a un autre panneau. Détachons-le délicatement. Une double feuille encollée. Voyons ce qui est dessiné au verso. Oh mon Dieu! Mais ce n'est pas possible! Les troupes de Charles Quint progressent en Provence, mais elles échouent à conquérir Marseille. François Ier reprend le commandement de son armée et repart vers l'Italie. Mais il est blessé à la bataille de Pavie et fait prisonnier. Il ne revient en France que le 17 mars 1525, après avoir signé le traité de Madrid et laissé ses deux fils en otage à Charles Quint en Espagne. Le traité l'oblige à renoncer à toute prétention sur l'Italie. Il est accueilli à Bordeaux par sa mère, Louise de Savoie, qui a assuré la régence, et il renoue avec le pouvoir. Rapidement, il fait convoquer Antoine de Terrailles au château de Fontainebleau. Vous ne le direz à personne, Terrailles, mais je fais bâtir ce château uniquement pour servir d'écrin à la Joconde. Tout l'esprit de l'Italie dans chacune de ses pierres. Il est magnifique. Mais en ce qui concerne la défense, j'ai bien peur que... Qui voudrait attaquer le roi de France? Ce n'est pas un château fort des temps anciens. Un château à présent doit être beau, doit être un lieu de fête. Alors, quelle nouvelle de votre mission? Tenez, voici quelques esquisses que j'ai obtenues de Melzi, un des assistants de Vinci. Donnez, donnez. Je me souviens fort bien de lui. Un bel artiste digne de l'enseignement de son maître. Ce n'est pas comme ce Salaï qui n'a aucun talent. Qui n'avait, Dieu et son âme. L'homme est mort. Sa vie fut rendue à Dieu par un carreau d'arbalète. Vous a-t-il révélé qui fut le modèle? Il s'agit de Lisa Gherardini, l'épouse d'un riche commerçant de Florence, Francesco del Giocondo. Giocondo, Joconde, tout s'explique. Je l'ai rencontrée. Rencontrée la Joconde? Oui. Elle n'est guère différente de son portrait. Elle m'a raconté que Vinci faisait venir dans l'atelier, durant les séances de pause, des musiciens, des bouffons, pour maintenir son perpétuel sourire. Et il utilisait une technique dont il avait le secret, le sfumato qui trouble les lignes. Il n'y a jamais eu un autre homme né au monde qui en savait autant que Léonard. En peinture, en sculpture, en architecture. C'était aussi un grand philosophe. Est-ce que votre majesté est satisfaite de mes services? Tout à fait. Vous irez faire consigner votre témoignage pour laisser une trace. Rien d'autre à m'annoncer? Non, je crois vous avoir tout dit. Pas de petits secrets, pas le moindre ragot? Aucun. C'est étrange. Avant de partir, vous aviez un air franc et honnête. Il est à présent comme passé au sfumato, moins discernable. Je n'ai rien à cacher à mon roi. Alors venons-en à votre récompense. Qu'avions-nous convenu? Un régiment, mais étant donné les circonstances... Quelles circonstances? Le traité de Madrid, qui vous interdit de repartir en guerre. Croyez-vous que je vais honorer ce foutu traité qui m'a été imposé en prison? Vous n'allez pas le respecter? Que nenni. Je remets sur pied une armée et je repars à la conquête de l'Italie. Comment aurais-je pu lui dire? Le roi aime tellement les femmes. Je préfère qu'il continue à penser à cette belle Italienne sans aucune réticence. Je garderai le secret. Peut-être qu'il sera un jour éventé. Mais pour l'instant, nul ne doit savoir. J'ai hâte de la retrouver. Te voilà, ma douce. Que tu es belle. Moins colorée que tes sœurs, mais c'est ton beau visage. Dessiné à n'en pas douter par la main du maître. Le noir du charbon et les rayons de blanc te magnifient. Salaï avait raison de te cacher au monde. Cette même position... Main croisée, et ce sourire, ton sourire incroyable qui me bouleverse. Et tes cheveux ramenés en couronne pour laisser à découvert ta belle poitrine nue. Ma Joconde nue. Le secret est là, dans tes épaules rondes, dans tes bras un peu trop musclés. C'est certain, Ce n'est pas Mona Lisa qui a posé pour ce corps androgyne. C'est Salai. Comment aurais-je pu dire au roi que la personne qui a posé pour que le maître puisse continuer son œuvre, ici, en France, c'est le petit diable ? La Joconde, un mystère de Léonard de Vinci, de Jean-Benoît Patricot, avec Antoine de Terrail, Duncan Evenou, François Ier, Mathurin Voltz, Léonard de Vinci, Corrado Invernizzi, Salai, Maxime D'Embrun et Mona Lisa, Anne Cantino. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Marie Le Peintre et Emmanuel Armin, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Cédric Aussire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur la Joconde et Léonard de Vinci avec mon invité Pascal Briouat. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Ravi, cher ami, jamais je te tournerai le dos, posé. Côté. Nous n'avons plus peur de rien, nos paniques, mon magique. Des réponses à nos questions. Si je suis largué, maintenant je sais. Côté Malik Djoudi et Étienne Dao sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, l'émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Gilles Gaillard. Pascal Briouat, à l'enquête imaginaire, bien sûr, d'Antoine Terrail, diligentée par François Ier, nous a permis de nous transporter dans l'Italie de la Renaissance, de rencontrer Mona Lisa, Léonard de Vinci, son assistant Salai. Alors, première question qui s'impose, bien sûr, on connaît la Joconde, celle du Louvre, et puis là, on découvre qu'il y a des Jocondes, plusieurs Jocondes. Oui, il y a plusieurs Jocondes et un mystère qui entoure la désignation par ce nom spécifique d'un tableau spécifique. Parce que Antonio de Beatis, qui rend visite à Léonard, alors c'était le secrétaire du cardinal d'Aragon, venu au Clos Lucé à Amboise en 1517, en septembre 1517. Et lui dit avoir vu le portrait d'une certaine dame florentine qui aurait été fait pour Julien de Médicis. Alors, est-ce la Joconde ? Ça peut être la Joconde. Ça pourrait. Mais Léonard est au service de Julien de Médicis en 1514, à peu près. Donc, ça ne correspond pas, en tout cas, à la première Joconde. Et puis, on a Vasari, qui parle... Vasari, qui était donc un grand historien d'art du XVIe siècle. Le grand historien d'art qui décrit la vie de Léonard et qui lui parle de Lisa Gherardini et donc la Gioconda. Et qui identifie la Joconde à la femme d'un marchand florentin. Alors, est-ce que ça peut être les deux en même temps ? C'est possible. Il est possible que Léonard ait repris le portrait d'une femme de marchand en 1514 pour en faire quelque chose de plus, une sorte de femme universelle au charme indéfinissable. Est-ce qu'on peut imaginer, comme on l'imagine dans la fiction, que Léonard de Vinci aurait fait donc plusieurs Jocondes, une de la Joconde, la Gioconda, cette femme de bourgeois florentin, jeune, et qu'il aurait fait un autre tableau qu'il aurait emporté, lui, en France, celui qu'on connaît, qui est au musée du Louvre aujourd'hui. On peut d'autant plus l'imaginer qu'il y a d'autres copies. Réalisé effectivement par les apprentis de l'atelier de Léonard. On a à Madrid une très belle Joconde qui a exactement les mêmes repentirs que la Joconde du Louvre. C'est-à-dire que les apprentis. C'est-à-dire que chaque fois que Léonard change d'avis, il y a des retouches. Et sur la copie de Madrid, on a les mêmes retouches que dans la copie du Louvre. Oui, donc ça veut dire que c'est une œuvre première, que c'est pas une copie. Voilà. C'est une œuvre en train de se faire. C'est une œuvre première et que les apprentis refont leur tableau en fonction des hésitations de Léonard. Et puis il y a même des Jocondes entre des mains privées qui, elles, n'ont pas été étudiées. Ah, il y a cette Mona Lisa d'Aylesworth, je ne sais pas comment on dit, qui se trouve dans une collection privée, donc dans un coffre-fort enfermé depuis des années. En Angleterre, mais il y en a en Suisse aussi, et il y en a ailleurs. Et qu'on ne peut pas voir, hélas. Et il y en a une aussi au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Et puis, il y a ce fameux dessin qu'on découvre à la fin de l'histoire, qui est exposé en ce moment au château de Chantilly, qui est assez aussi troublant. La Mona Vana, qui probablement aurait été faite à l'époque du service de Léonard auprès de Julien de Médicis, c'est-à-dire vers 1514. La pose est celle de la Joconde, mais le personnage est beaucoup plus masculin dans ses traits. Effectivement, on peut l'identifier à... Dans son corps. Dans son corps, dans son... Disons que le visage est lui-même un petit peu hermaphrodite, mais le corps, lui, est très, très curieusement à la fois masculin, avec des bras très puissants, et puis des seins assez mal dessinés. Moi, j'ai du mal à penser qu'il s'agit vraiment d'un tableau de Léonard. Il y a une ressemblance, malgré tout, avec Mona Lisa. Il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance, mais ça peut être un apprenti. Est-ce qu'on peut penser que Léonard de Vinci aurait voulu créer une sorte de beauté idéale qui soit mi-homme, mi-femme, ou ni l'un ni l'autre, une sorte de beauté idéale comme ça, androgyne? C'est ce qui se joue, en tout cas, c'est le portrait d'une femme idéale. Alors, l'androgynie, elle est essentiellement lisible dans la Mona Vana, dans la Joconde. Dans ce dessin-là, Je suis pas sûr que ce soit aussi intéressant de parler de cette Joconde nue actuellement exposée à Chantilly que de parler de la vraie Joconde. Oui, là, la vraie Joconde est beaucoup plus belle. Et justement, parlons-en. Pourquoi ce tableau est-il aussi extraordinaire? Je partage cet avis. Alors, je pense que ce qui s'interpose entre nous et la perception de la beauté de la Joconde, c'est que bien des traits marquants d'un tableau, d'un portrait de femme parfait ont été inventés par Léonard. Alors maintenant, évidemment, aujourd'hui, ça nous semble commun. Le fait de projeter le personnage au-devant du portrait, au-devant de la loggia dans laquelle... Il faut que vous nous le décriviez, peut-être simplement. Il faut rappeler comment il est ce tableau qu'on a vu 10 000 fois, mais qu'en fait, on ne voit pas bien. Alors, à l'arrière-plan, des montagnes, tels que Léonard les a représentés dans beaucoup de tableaux auparavant. Un paysage minéral, très humain, chaotique. Pas très bucolique. Effrayant même. Avec des étendues d'eau à deux hauteurs différentes. Oui, c'est assez bizarre. Et à gauche de Mona Lisa, c'est un paysage. C'est et plus, à droite, c'est plus autre bas. Chose. Et à droite, c'est un autre lac. Alors, Daniel Arras, l'historien de l'art, disait que c'était un paysage de Toscane, c'est possible. Mais ce qui est certain, c'est que les deux hauteurs de lac sont mises en relation par le sourire de la Joconde. Et on ne peut pas penser que Léonard ne l'ait pas fait exprès. Ensuite, il y a deux rivières. L'une qui coule lentement, paresseusement, en méandre à gauche du tableau, et l'une qui coule beaucoup plus rapidement, dont le flot est beaucoup plus bleu, qui coule à droite du tableau. Et puis cette femme, qui est dans une loggia, mais en avant, donc elle se dessine vraiment de façon remarquable sur l'arrière-plan, elle croise les mains dans une posture de politesse une forme d'assurance à cette aussi. Époque. Peut-être une forme d'assurance, mais de modestie également. Un sourire et un regard qui sont extraordinaire. Oui. Et qui sont obtenus par ce doux modelé du sfumato, c'est-à-dire d'infinies petites taches de peinture. Oui, on ne voit pas le trait. On ne voit pas le trait. C'est-à-dire que si on passe la Joconde au rayon X, on ne voit pas le trait. C'est de l'huile infiniment diluée par d'infinies petites touches qui créent les contours. Et donc, cette femme sourit, c'est la première fois, je crois, que dans l'histoire de la peinture occidentale, on montre une femme ou un homme qui sourit. Alors, pas tout à fait. Antonello da Messina avait publié... Un homme qui souriait, qui riait. Un homme qui riait, oui. Mais ce sourire-là est quand même très étonnant. C'est un sourire mystérieux. C'est un sourire qui incarne la grâce, dit Vasari. Et c'est cela qu'il joue, c'est le je ne sais quoi. Alors comment interpréter justement ce tableau, alors selon vous? Qu'est-ce que ça signifie, cette femme, ce paysage, ce sourire? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, très clairement, le sourire est au centre du tableau. Et c'est effectivement un sourire féminin qui est une signature chez Léonard, parce que on le trouve dans d'autres tableaux. C'est aussi le sourire de la Sainte Anne, mais il est encore plus magnifié. Et puis là, il est mis en lien avec la nature qui vieillit, c'est-à-dire à l'histoire géologique de la Toscane en train de se faire. Donc, ce qu'on montre, c'est une jeune femme qui vient d'avoir son deuxième enfant et qui est en train de vieillir. Surtout si le tableau a été repris en 1514. Et du coup, on met en parallèle le vieillissement de l'homme, de la femme en l'occurrence, avec le vieillissement géologique. Donc le sujet du tableau, c'est le temps. Et un symbole évident du pont, bien avant le pont Mirabeau. Ouais. Et le fameux mystère, peut-être que c'est le mystère tout simplement de l'art, qui n'a pas besoin de mots et qui sur lequel le temps n'a pas de prise. Oui, c'est possible. En tout cas, l'idée de Léonard, c'est que quand il fait une œuvre, il veut ouvrir un univers, une profondeur. À laquelle tout le monde encore aujourd'hui est sensible. Merci beaucoup Pascal Briouat. Votre livre, Les Audaces de Léonard de Vinci, est édité chez Stock. À lire également Léonard de Vinci, Le rythme du monde, de Daniel Arras, chez Azan. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Très bonne soirée sur France Inter. Sur France Inter, c'était à l'instant une rediffusion de « Autant en emporte l'histoire ». D'autres émissions, d'autres narrations de Stéphanie Duncan sont à retrouver sur franceinter.fr.